Et à 17h sur France Culture, la série documentaire vous emmènera aux côtés de ceux qui ont voyagé entre les classes sociales grâce à Leïla Djitli. Mais tout de suite, c'est l'heure de la méthode scientifique avec vous Nicolas Martin, bonjour. Bonjour Mathieu, Garrigou Lagrange, oui, le mercredi c'est Nouvelles Technologies, aujourd'hui au service de l'histoire. De ces pyramides, 40 siècles nous contemplent certes, mais continuent également, de narguer archéologues, égyptologues et scientifiques. Si les pyramides d'Égypte fascinent autant, c'est peut-être parce qu'elles se refusent toujours obstinément à livrer tous leurs secrets, de leur méthode de construction à leur structure interne. Depuis quelques années, les scientifiques y ont mis leur grain de sable et ont développé des appareils qui promettent de nous plonger dans les entrailles de ces géantes de pierre pour en révéler enfin leur moindre mystère. Le secret high-tech des pyramides, c'est le voile que nous allons tenter de lever sur cette énigme millénaire dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tenter de lever ces secrets qui ont résisté partiellement, en tout cas jusqu'à présent, à Champollion, à Carter, à Grapov, à Dormion et j'en passe, sans oublier Blake et Mortimer ou Sherlock Holmes, eh bien nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui des enquêteurs de luxe. Bonjour Sébastien Procureur. Bonjour. Oui, comme ça, j'ai eu une sorte d'envolée un peu historico-lyrique. Sébastien Procureur, vous êtes physicien responsable scientifique à l'IRFU, l'Institut de Recherche sur les Lois Fondamentales au CEA. Bonjour Mehdi Tayoubi. Bonjour. Vous êtes co-directeur de la mission Scan Pyramides et vice-président stratégie et innovation chez Dassault Systèmes. Et bonjour Simon Thuot. Bonjour. Vous êtes notre doctorant du mercredi. Vous nous présenterez à la fin de l'émission vos travaux de recherche en égyptologie sur la dissimulation graphique dans les textes égyptiens de l'ancien empire, travaux de recherche que vous effectuez à l'université Paul Valéry Montpellier 3 sous la direction de Bernard Mathieu. Et vous pouvez suivre comme chaque jour et bien entendu cette émission sur les ondes et en direct et en parallèle sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors on va tout de suite trancher sur le débat entre les différents domaines de recherche pour mettre tout le monde à l'aise. Mehdi Tayoubi, ce sont vos mots. Notre idée n'est pas de remplacer les historiens, les archéologues ou les égyptologues, mais de leur dire aujourd'hui, des scientifiques et des ingénieurs disposent d'outils qui peuvent révéler des nouvelles choses, des preuves indiscutables qu'il vous appartiendra d'interpréter. C'est donc qu'il n'y a pas de concurrence ou de compétition entre les différents secteurs de recherche en matière d'égyptologie. Absolument, il y a, j'ai envie de dire, autant de concurrence entre un muographe qu'un spécialiste des scanners médicaux qui collabore avec les égyptologues depuis plusieurs années sur l'analyse des momies. Simplement, aujourd'hui, on a à notre disposition des outils qui permettent de radiographier les monuments, de voir ce que l'on peut trouver à travers la pierre. Et ce sont ces nouveaux outils qu'on propose aux égyptologues et aux historiens. Simon Thuot, ces nouveaux outils, ça n'est pas une compétition, une concurrence high-tech au travail de l'égyptologue, de l'archéologue, au travail d'historien autour de ces pyramides et de ces civilisations égyptiennes. Absolument pas, c'est un complément et un soutien incroyable pour l'historien. L'égyptologie a longtemps été réticente à employer d'autres thématiques et d'autres disciplines et avoir ce genre de technologie aujourd'hui pour l'archéologie, c'est merveilleux. Est-ce que ça veut dire, et on en finira avec ce débat qui n'en est pas un puisqu'on vous entend, est-ce que ça veut dire tout de même qu'on est arrivé d'une certaine manière au terme des méthodes d'exploration structurelle, des méthodes d'investigation dites classiques, Mehdi Tayoubi? En fait, ce sont des méthodes complémentaires qui permettent de limiter les dégâts, c'est-à-dire de valider un certain nombre de choses avant ensuite de passer à des méthodes destructives, mais qui, pour le coup, sont du ressort des archéologues et des gens qui ont l'habitude de mener ce type d'exploration. La mission Scan Pyramides a été conçue initialement pour pouvoir utiliser les dernières technologies les plus à la pointe de ce que l'on appelle le non-destructif et le non-invasif, la muographie en faisant partie. En ce qui concerne ensuite les fouilles, c'est du ressort des archéologues. Alors, quand on parle des pyramides, parce qu'on parle des pyramides, on parle d'un ensemble un peu abstrait, un peu vaste. On va parler surtout de quelques pyramides au cours de 7 heures du programme Scan Pyramides que vous venez d'évoquer. On parle notamment, évidemment, de celle de Khéops. C'est la plus grande d'entre elles, c'est certainement la plus célèbre. Je vais me retourner vers vous, Simon Thuot. Que sait-on aujourd'hui, de manière certaine, de cette pyramide de Khéops et de sa structure? Qu'est-ce qui est, qui fait partie aujourd'hui du corpus d'égyptologie autour de cette pyramide? De manière certaine, c'est toujours délicat d'employer ce genre d'adjectif, mais bon, on sait qu'elle a été bâtie sous le règne de Khéops, de la 4e dynastie, aux alentours de moins 2600, moins 2550 à peu près. En ce qui concerne la technique de construction elle-même, là par contre c'est beaucoup plus délicat parce que beaucoup de théories ont été avancées, aucune n'a pu être confirmée, beaucoup ont pu être infirmées à l'inverse. Maintenant, c'est là que rentrent en ligne de compte les avancées technologiques et c'est là tout l'intérêt qu'on a justement d'utiliser ces technologies pour espérer enfin pouvoir confirmer ou découvrir une toute nouvelle technique qu'on n'avait pas envisagée jusque-là. Il faut préciser que ce qu'on sait en tout cas de la structure interne de la pyramide de Khéops, finalement il y a des apports qui sont encore très récents, sans parler des apports liés à Scan Pyramides de ces derniers mois ou de ces dernières années. On continue à découvrir des niches ou des cavités de façon traditionnelle jusque dans les années 2000-2010. Mehdi Tayoubi. Alors en 2010, il y a eu effectivement un projet qui s'appelait l'exploration JEDI, qui a consisté en fait à explorer mais des conduits qui sont connus depuis bien plus longtemps, dans lequel on a l'université de Leeds et un certain nombre d'autres partenaires ont conçu un robot pour explorer ces conduits suite à une première exploration qu'avait mené le docteur Zayawas dans le début des années 2000, où il avait fait un trou et avait découvert une sorte de petite cavité qui fait une soixantaine de centimètres. Et l'objectif de cette mission était de savoir s'il y avait autre chose plus loin. Mais la pyramide de Khéops, avec les structures internes telles qu'on les connaît aujourd'hui, que ce soit la chambre de la reine, que ce soit le couloir descendant, ascendant, la chambre du roi, la plupart des grandes structures internes sont connues depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire depuis que le calife Al-Mamoun a percé ce qu'on appelle l'entrée des voleurs, par lequel les touristes continuent aujourd'hui à entrer dans la pyramide pour la visiter. Et il a a priori révélé la majorité des structures connues. Et puis ensuite, petit à petit, on a découvert des moins importantes, comme les chambres de décharge au-dessus de la chambre du roi. Mais la majorité des découvertes ont été faites au Moyen-Âge. On va vous mettre sur le fil Twitter quelques schémas pour que vous revisualisiez un peu l'intérieur de cette pyramide de Khéops. Qu'est-ce qui laisse à penser aujourd'hui? Je me retourne vers Sébastien Procureur, Mehdi Tayoubi, Simon Thuot, répond celui qui veut. Qu'est-ce qui laisse à penser qu'il reste des chambres funéraires, qu'il reste des endroits, des cavités à l'intérieur de cette pyramide de Khéops auxquelles nous n'avons pas, ou que les méthodes d'exploration dites traditionnelles n'ont pas réussi à avoir accès? Simon Thuot. Voilà, c'est difficile de répondre. En tout cas, en tant qu'historien, voilà, on dispose des plans qui ont été établis durant les fouilles des pyramides. Et c'est justement là, grâce aux technologies, qu'on espère découvrir d'éventuelles chambres. Mais nous-mêmes, en tant qu'historien, c'est difficile de prédire l'existence de telles cavités. Mehdi Tayoubi, qu'est-ce qui laisse à penser qu'il y en aurait d'autres finalement? Pourquoi est-ce que ce que l'on connaît n'est pas suffisant? Aujourd'hui, on part pas du postulat qu'il y en a d'autres. On sait qu'il y a énormément de fantasmes autour de la pyramide de Khéops. On sait qu'il y a énormément de théories qui prédisent des chambres à plusieurs endroits. C'est-à-dire que si on prenait, je pense, l'ensemble des théories qui existent sur Khéops, ça deviendrait un énorme gruyère. Mmh. Et le postulat de départ, en tout cas quand la mission Scan Pyramides a été lancée, c'était, eh bien, voyons s'il existe dans cette pyramide des structures. Alors, on parle pas de chambres, on parle pas de trésors, hein, on parle réellement de structures architecturales vides, non connues à ce jour. Et voyons ensuite si elles peuvent nous aider à soit mieux comprendre le mystère de la construction de la pyramide, soit à comprendre d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé. Sébastien Procureur, un mot comme ça sur les quelques indices, peut-être. On parle dans la littérature, il y a effectivement, vous, Mehdi Tayoubi, vous l'avez dit, foison de suspicions, de chambres, de cavités, de nouvelles conduites. Est-ce qu'il y a certaines de ces pistes qui sont des pistes intéressantes, plus vraisemblables que d'autres pour guider justement vos recherches et vos recherches autour du projet Scan Pyramides? Encore une fois, comme disait Mehdi, on part sans a priori, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment la pyramide a été construite, s'il peut y avoir des vides à l'intérieur qu'on n'a pas encore découvert. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des technologies aujourd'hui qui permettent d'investiguer dans la masse de la pyramide, et vraiment de manière très pénétrante, de voir s'il y a des cavités, des vides quelque part. Donc voilà, on a la technologie pour le faire, donc faisons-le. un mot peut-être pour rappeler, encore une fois, aujourd'hui, quelles sont les principales théories, Simon Thuot, autour de, du mode de construction de ces pyramides et notamment de Khéops. Il y a différentes théories qui s'affrontent. De temps en temps, une ressortit plus que d'autres dans la littérature scientifique. Oui, quelles sont-elles ? Effectivement, il y en a beaucoup. Ce serait long de faire la liste. Il y en a deux principales, disons. Il y en a des très importantes. Il y a celle de la rampe frontale, par exemple, avec une grande rampe qui viendrait rencontrer la structure pyramidale et donc la bâtir au fur et à mesure, la rampe latérale qui entoure toute la pyramide. Il y en a eu beaucoup d'autres, bon, je ne vais pas tous mentionner, et justement je rebondis sur ce que disaient messieurs Tayoubi et Procureur, c'est que partir sans a priori, c'est ce que devraient faire tous les historiens également, et c'est là souvent le problème de ceux qui prétendent savoir comment ont été construites les pyramides, c'est qu'ils partent d'un a priori et qu'ils tentent de le prouver avec des preuves qui n'en sont souvent pas du tout. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h10, vous écoutez France Culture, la méthode scientifique. Nous parlons du secret des pyramides. Alors non que nous ayons vraiment l'ambition de les éclairer ou de les lever tous, mais en tout cas d'essayer de comprendre comment la science aujourd'hui met à disposition des historiens, des égyptologues et de la communauté scientifique plus générale autour de ces pyramides, bien des instruments qui vont permettre de mieux connaître, de mieux comprendre leur construction et leur structure architecturale. Parlons donc de cette mission Scan Pyramides dont vous êtes co-directeur Mehdi Tayoubi. Elle va fêter ses 2 ans au mois d'octobre. Ça a été un long chemin. Racontez-nous un peu, en quelques mots, sa mise en place, son origine de cette mission. Tout a commencé en fait quand j'ai rencontré le professeur Agnellal, qui est l'ancien ministre de l'Éducation supérieure et de la Recherche en Égypte, qui avait, lui, dans ses années d'ingénieur en mécanique des roches, participé à des explorations dans la pyramide de Khéops, et notamment à une mission qui avait été menée en 86 par la fondation EDF, à l'époque où il y avait eu un trou qui avait été fait dans la pyramide, où on avait... C'était la mission de Gilles Dormion et de Jean-Baptiste Goldin. Voilà, donc il pensait qu'il pouvait y avoir une chambre sous la chambre du roi, donc il y a eu des missions de microgravimétrie qui ont été menées, donc dont le principe consiste à mesurer les écarts de gravité pour voir si, en fait, en fonction de ces écarts, on peut avoir des vides ou pas. Et à l'époque, en fait, les recherches, finalement, ils n'avaient rien trouvé sous la chambre du roi, mais ça les avait amenés vers le couloir qui mène vers la chambre de la reine. Et puis, depuis cette mission, il n'y a plus eu, en fait, de mission d'envergure autour de Khéops par l'utilisation de méthodes type microgravimétrie. Et comme dit le professeur Hellal, à l'époque, certes, il n'y a pas de structure qui a été trouvée, mais le fait d'avoir trouvé déjà du sable dans ce couloir menant à la chambre de la reine était déjà un résultat scientifique. Mais tous les fantasmes et tout le brouhaha médiatique autour de la mission a finalement occulté l'aspect ingénierie, l'aspect collaboration interdisciplinaire. Et puis ensuite, le professeur Annie a collaboré à énormément d'autres projets dans le domaine du patrimoine égyptien, où son rôle a été de mettre à disposition justement les compétences des ingénieurs au service des archéologues. Et moi, menant aussi chez Dassault Systèmes des projets interdisciplinaires mêlant art, science, technologie, pour susciter les vocations, justement faire en sorte de connecter les imaginaires à la science pour créer l'innovation, on s'est dit que le territoire et les mythes associés à ces grandes pyramides aujourd'hui qui restent un mystère pouvaient être un joli terrain de jeu pour mettre en place en fait cette stratégie d'innovation et voir si on était capable d'apporter quelque chose de nouveau et un nouveau regard sur ces pyramides. Et c'est comme ça que le projet est né et on s'est mis à la recherche de techniques non destructives et non invasives. Alors on va discuter de ces techniques, mais pour rester un peu sur l'origine du projet, qui le porte, comment est-ce qu'il est amené, comment est-ce qu'il est structuré? On sait que ce sont des projets nécessairement envergure internationale, on va en reparler, la collaboration notamment avec des équipes japonaises, mais racontez-nous un peu sa structure et puis s'il est difficile finalement quand on amène une démarche d'ingénierie scientifique sur un projet de cette envergure-là, de s'imposer quand, vous l'avez souligné vous-même, il y a toute cette fantasmatique et toute cette mythologie autour des pyramides qui parfois obscurcit un peu les pistes de réflexion. Alors, la première étape, en fait, a été déjà, d'une part, de faire en sorte que ce soit un projet qui soit dans un... élaboré dans un cadre d'intérêt général, donc avec le professeur Agnellal, avec l'auteur de bande dessinée François Skeuten, et avec d'autres personnalités du monde de la culture. On a créé une association en fait pour pouvoir porter ce projet avec les qui s'appelle donc l'Institut HIP, avec l'université du Caire, dont fait partie le professeur Agnellal, et ce sont donc ces deux institutions qui ont élaboré en fait le dossier de mission consistant en fait à faire le tour d'un certain nombre d'universités, de laboratoires de recherche pour identifier les meilleures techniques. Et puis comme dans tout projet, ensuite il faut trouver les industriels, les mécènes qui peuvent nous accompagner ensuite dans le déploiement opérationnel sur le terrain, monter les équipes de coordination logistique. Mais la partie la plus délicate en fait a été de faire la sélection des équipes scientifiques. Donc dès le début, on avait en tête déjà d'utiliser les techniques infrarouges, et on connaissait les gens de l'université Laval de Québec sur la partie infrarouge. Ensuite est venue se greffer la partie myographie, qui à l'origine est venue en fait d'un contact que j'avais eu du professeur Tanaka de l'université de Tokyo, qui lui utilise les muons pour radiographier les volcans. Et un jour il nous a contacté en disant un volcan, une pyramide, on peut peut-être imaginer des choses. Alors s'il est plus facile de voir une chambre magmatique qui est assez importante en volume, c'est un peu plus compliqué de détecter des couloirs qui sont beaucoup plus petits à l'intérieur d'une pyramide. Alors le professeur Tanaka n'est pas resté dans la mission, mais il nous a présenté à d'autres institutions japonaises, l'université de Nagoya, qui maîtrise une technique de myographie, puis ensuite l'université aussi, le KEK, qui est l'équivalent du CERN. Et petit à petit, ensuite, la mission étant lancée, la médiatisation autour de la mission étant lancée, d'autres équipes, en fait, ont soumis leur candidature, dont Sébastien Procureur et le CEA, avec une troisième technique de myographie. Sébastien Procureur, racontez-nous justement comment le CEA est rentré dans ce projet Scan Pyramides et quelle est la technologie que vous avez apportée, puisque, comme vient de le dire Mehdi Taïoubi, il y avait déjà une technique de myographie qui était apportée par les équipes japonaises. Oui, alors nous, effectivement, on est rentré plus tard, on est rentré par hasard. En fait, au moment où Mehdi Taïoubi préparait la mission Scan Pyramide, nous, on avait construit un télescope à muons. Et l'objectif était modeste à l'époque. En fait, on voulait faire une myographie du château d'eau du centre CEA Saclay. Qui est classé monument historique. Hein. Oui, c'est un Perret quand même, c'est pas un château d'eau lambda. Ça a été votre espace test. Voilà, c'est ça, oui. Et on avait d'ailleurs dans l'idée de faire potentiellement des télescopes à muons pour la volcanologie. Donc l'expérience s'est terminée en septembre 2015 et en octobre, on a appris dans la presse le lancement de la mission Scan Pyramides. Donc le soir même, en fait, j'ai envoyé un email à Mehdi Taïoubi en disant on sait aussi faire des télescopes à muons au CEA. Et effectivement, la technologie est un petit peu différente. On utilise des détecteurs à gaz, peut-être on y reviendra après. On va y revenir dans quelques instants. C'est, mais enfin, la technique, le principe est la même, en fait. On détecte aussi des muons comme les équipes japonaises. Alors, on a beaucoup parlé de Khéops, mais ce n'est évidemment pas la seule pyramide qui est étudiée par le programme. Sur quelle base avez-vous choisi les sites, puisqu'il y en a quatre pour Scan Pyramide qui doivent être étudiées? Comment est-ce que vous avez choisi? Pour quelles raisons, en fait, Mehdi Taïoubi? On s'est dit qu'on devait choisir, en fait, des pyramides qui avaient été construites dans un temps assez réduit, a priori par les générations ou les descendants, en fait, de la même lignée de bâtisseurs, en disant que si une des pyramides nous révélait quelque chose, eh bien ça pourrait nous éclairer éventuellement sur les autres. Et ensuite, il a aussi fallu prouver aux autorités égyptiennes, au ministère des Antiquités, que cette technique marchait. Et donc la pyramide rhomboïdale nous a d'abord servi de test. Alors, dites-nous déjà quels sont les quatre sites, s'il vous plaît. Alors, donc on est à Dachour et à Gizeh, sur les quatre grandes pyramides de l'Ancien Empire. Donc la pyramide rhomboïdale, la pyramide rouge à Dachour, la pyramide de Khéops à Gizeh, et la pyramide de Khéphren à Gizeh. Et à ce jour, nous en sommes à deux pyramides. On pensait aller plus vite. Donc la pyramide rhomboïdale et Khéops. Absolument. Il y a eu un consensus scientifique des équipes assez net sur ces quatre sites-là, ou est-ce que ça a été âprement débattu? Non, ça a été le choix s'est fait assez rapidement. Ensuite, on savait que dans la mesure où c'était la première fois qu'on déployait ce type de technique, on était sur des technologies pour certaines qui sortaient tout juste des labos, qu'on allait avoir des phases de R&D, un certain nombre de surprises, et que ça nous prendrait sans doute plus de temps. Je pensais qu'on allait aller plus vite. Et aujourd'hui, ça fait presque plus d'un an qu'on est toujours sur Khéops, après avoir fini la rhomboïdale. Alors, vous allez nous dire tout à l'heure quels sont les premiers résultats que Scan Pyramides a pu dévoiler. Mais avant ça, on parlait un peu précisément des techniques et mises à l'œuvre pour percer ces secrets des pyramides, au premier rang desquels, nous l'avons évoqué quelques fois depuis le début de cette émission, la radiographie par muon, ou comment se servir des particules cosmiques pour aller là où aucun œil humain ne le peut. Bonjour, Céline Lozen. Bonjour, Nicolas. Bonjour à tous. Vous vous qui êtes l'ami des particules, vous êtes rendu au laboratoire de Sébastien Procureur pour comprendre précisément comment ça marche la tomographie muonique. Oui, comme vous le dites, il est possible de voir à l'intérieur des pyramides avec des muons. Comme ces particules traversent tout, même les murs les plus épais, il est possible de mesurer la différence de flux entre l'intérieur et l'extérieur d'un côté de la pyramide. Et sur des temps assez longs, des semaines ou quelques mois, il est possible alors de déduire des zones plus ou moins vides, comme des cavités. Alors, tout ça, c'est possible grâce aux détecteurs micro-mégas qui ont été conçus en partie au CEA. Et pour comprendre comment ils fonctionnent, j'ai été voir David Attier de l'IRFU. Si nous nous trouvons dans une salle grise dans laquelle il y a plusieurs machines, toutes ces machines servent à fabriquer les détecteurs micro-mégas qui sont utilisés pour la tomographie muonique au pied des pyramides. Si on veut regarder à l'intérieur de la pyramide, il faut qu'on pointe en direction de la pyramide en fonction de ce qu'on veut regarder. Est-ce que c'est plutôt les arêtes? Est-ce que c'est plutôt le centre? Etc. Donc il faut attendre relativement longtemps. Déjà pour avoir une bonne image et ensuite pour avoir un contraste dans l'image, il faut attendre encore plus longtemps. Donc typiquement plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On a donc le télescope à muons qui est à l'extérieur de la pyramide, mais comment on obtient ce profil de cavité finalement ? Alors, la myographie est faite en accumulant le nombre de traces dans chacune des directions. Donc on va simplement construire une image en projetant toutes ces direction de muons, donc une image qui devient maintenant à deux dimensions. Et lorsqu'on a moins de muons dans une direction, donc on a un déficit de muons, ceci veut dire que le muon a été soit très dévié, soit carrément absorbé. Et donc ça veut dire qu'il y a un élément qui est plus dense à cet endroit-là. Et à l'opposé, si le muon traverse un élément moins dense ou vide dans l'objet, à ce moment-là, il ne sera absolument pas arrêté et on en verra beaucoup plus dans cette direction. Il s'agit de capturer les muons, mais ce n'est pas ça qu'on mesure finalement, c'est les électrons par détection secondaire. Alors, chacun des détecteurs, en fait, est un détecteur gazeux qui est sensible justement aux particules chargées, donc positivement ou négativement, comme le sont les muons. Donc c'est simplement une chambre qui fait à peu près 50 cm de long, 50 cm de large et 15 mm d'épaisseur. Donc à l'intérieur de cette chambre, on met donc un gaz neutre et ceci pour favoriser l'ionisation. Alors le muon, il va laisser un tout petit peu d'énergie lors de son passage et cette énergie va permettre en fait d'éjecter un ou plusieurs électrons à partir de l'argon. On va aller dans ce qu'on appelle une salle blanche pour donc assembler un détecteur. Dans ce laboratoire a été assemblé les 12 détecteurs conservés pour la mission Scan Pyramide. Donc voici un détecteur qui a été construit ici. Donc on voit la grille. On la place sous le microscope. Effectivement, on peut jeter un œil au microscope et voir à quoi ça ressemble. On voit les pistes et on voit que aussi la taille des pistes ici est de 500 microns. Donc la distance entre deux pistes fait 500 microns. Donc là, c'est le cadre qui sert de support au détecteur. Voilà, donc le cadre qui va définir l'espace dans lequel on va mettre le gaz, la chambre. Donc il faut d'abord assembler la cathode, donc c'est simplement... C'est l'électrode, en fait, qui va servir à mesurer les électrons. Alors, cette électrode, elle va servir à définir le champ électrique de l'espace de conversion. Donc, on voit que c'est simplement un circuit imprimé de 50 par 50 cm sur lequel on a un carré de cuivre. Donc, ce carré de cuivre va être polarisé à une tension d'environ moins 500, moins 800 volts. Après avoir assemblé chacun des détecteurs en salle blanche, on les transporte ici, dans ce hall d'assemblage. Mais cette fois, on va assembler chacun des détecteurs sur une mécanique. Et c'est là qu'on va commencer à former le télescope. On peut donc les assembler sur un châssis mécanique qui permet en fait de les maintenir parallèles entre eux à une certaine distance. Alors, dans le cas de la mission Scan Pyramide, le châssis était positionné dans une valise de transport. Ce qui est important à dire, c'est que, bon, là-bas, on est en Égypte, il fait très chaud, donc toute l'instrumentation résiste à la chaleur et même aux intempéries qu'il peut y avoir. Oui, en effet. Alors, on a pu à craindre ni de la poussière et aussi de la température ou des changements de température. Donc on est assez content puisqu'on a très peu d'échecs ou de problèmes sur ce type de détecteurs. Ils sont relativement robustes. Donc ça donne vraiment une particularité à ce type de détecteur, c'est qu'il soit à la fois simple et performant. Vous avez tout compris maintenant à la structure et au fonctionnement de la tomographie muonique, mais on va quand même encore en parler pour éclairer un peu plus ces procédés. Une réaction simplement peut-être à ce que vous venez d'entendre, puisque on est allé chez vous, Sébastien Procureur. On vient de décrire votre instrument. Oui, bah, David l'a très bien fait, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'effectivement, c'est en fait la myographie, enfin ce qu'il a expliqué, le principe, c'est de la photographie pénétrante, d'accord ? Donc on enregistre, on détecte les muons, on reconstruit leur trajectoire, et le flux de muons qu'on enregistre dans différentes directions va nous renseigner sur la densité ou alors l'épaisseur du matériau, enfin de la matière que ces muons ont traversé. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, au départ vous travaillez plutôt sur un détecteur pour les volcans. Quelle est la différence d'adaptation que vous avez fait, puisque comme Mehdi Tayoubi le disait tout à l'heure, évidemment une chambre magmatique c'est beaucoup plus important qu'un conduit ou qu'un petit couloir de pyramide. Est-ce qu'il a fallu adapter justement en finesse la précision de ces détecteurs? Non, alors en fait on travaillait pas sur on avait l'ambition de travailler sur les volcans, mais ça s'est pas fait comme ça. Initialement les détecteurs c'était des détecteurs classiques en physique des particules, physique nucléaire, hein, qui étaient destinés à des expériences en laboratoire, donc où les conditions a priori de température, d'humidité sont beaucoup mieux contrôlées. Donc c'est sûr que quand on a été déjà au château d'eau, quand on est passé à l'extérieur en fait du laboratoire, il a fallu faire un certain nombre d'adaptations. Et de vérifier que l'instrument, c'est-à-dire le détecteur, mais aussi l'électronique, pouvait tenir des variations de température. Et évidemment, ça a été encore plus vrai en Égypte. Donc on a fait tout un tas d'expériences. On a mis les détecteurs électroniques dans un four, typiquement, pour vérifier que ça allait bien tenir, etc. Donc oui, il y avait une préparation spécifique pour tenir dans les conditions du désert égyptien. C'est une technologie que vous avez développée, qu'il a fallu affiner sur place pendant à peu près combien de temps? Ça a demandé combien de temps de travail et de recherche, le détecteur myographique? Alors, en fait, le détecteur qu'on utilise, il a été inventé au CEA, d'ailleurs, à la fin des années 90. Donc, c'est un détecteur qui a déjà une vingtaine d'années. Il y a toujours de la R&D qui continue, enfin de la recherche et développement qui continue à être fait pour améliorer ses performances, sa robustesse, son autonomie, etc. Mais finalement, le détecteur en lui-même, on n'a pas fait de modification particulière entre le château d'eau, la manip château d'eau et l'Égypte finalement. Parce que c'est du gaz, donc effectivement, les variations de température, c'est pas vraiment, enfin, c'est plus l'électronique en fait qui peut craindre. Mais le détecteur en lui-même, on a sa forme et ses performances sont assez similaires à ce qu'on a fait pour le château d'eau. Alors, on entendait aussi autre chose qu'il va falloir que vous nous expliquiez, puisque ces détecteurs du CEA ne sont pas les mêmes, ne fonctionnent pas de la même façon que les détecteurs des équipes japonaises. Et il faut bien comprendre que vous fonctionnez avec ces détecteurs japonais qui sont placés au centre des pyramides, que c'est un travail vraiment en collaboration avec les équipes japonaises. Oui, en fait, c'est des mesures qui sont complémentaires. Les équipes japonaises, comme elles étaient en fait dans la mission depuis le départ, ont pris le parti de s'installer à l'intérieur. Ce qui simplifiait, par exemple, pour les conditions environnementales, il y a beaucoup moins de poussière, beaucoup moins de différence de température. Donc, nous, quand on a rejoint la mission, on a discuté évidemment avec Mehdi Tayoubi et le professeur Elal, et il a été décidé que, dans la mesure où les Japonais étaient à l'intérieur et sondaient a priori les zones les plus internes de la pyramide, nous, on allait essayer de se mettre à l'extérieur pour sonder les zones plutôt périphériques, donc les arêtes. Comme ça, on aurait un scan de la pyramide le plus complet possible. Et alors, expliquez-nous en quelques mots, peut-être sans rentrer dans le détail, ce choix de l'argon qu'on a entendu. Par ailleurs, ce sont des détecteurs qui sont très très peu gourmands en énergie. Quelle est la différence majeure entre les équipements japonais et les équipements du CEA en fait? Quelles sont les adaptations qu'il y a eu à faire? Chaque détecteur a ses spécificités. Par exemple, si on prend les plaques à émulsion de l'université de Nagoya, c'est des plaques qui sont, en fait, c'est comme de la photographie argentique, hein, si on peut faire un parallèle, il y a une analogie très forte. Donc, c'est des détecteurs qui sont extrêmement précis. qui consomme absolument pas d'énergie, c'est un système passif. Mm-hmm. Par contre, on peut pas faire d'imagerie en ligne, c'est-à-dire que comme une photographie, en fait, il y a un certain temps de pause qui est donc long pour la myographie. Et puis ensuite, long, on parle de plusieurs mois. Hein. Plusieurs semaines. 60 à 80 jours. Medita Yubi. 60 à 80 jours de temps d'exposition. Mm. Ensuite, l'émulsion s'altère. Donc, dans les conditions de la pyramide, au début, on était à 40 jours sur la rhomboïdale avec les émulsions de l'Université de Nagoya. Ils ont changé la formulation chimique, ils les ont adaptées. On sait aujourd'hui qu'on peut pousser jusqu'à 80 jours de temps d'exposition. Mm. Sébastien Procureur. Et donc oui, donc une fois que le temps de pause est, enfin que l'acquisition est terminée, en fait, il faut développer les plaques, hein, comme on développe une photographie, enfin des pellicules photo-argentiques. Donc ça prend du temps, il faut les analyser, les numériser, etc. Mais c'est un système, voilà, qui est très précis, qui consomme rien. Après, l'autre équipe japonaise a développé un télescope à scintillateur. Donc ça, c'est un système actif cette fois-ci. Donc il faut amener un petit peu d'énergie, ça consomme pas énormément, mais quand même. Par contre, c'est un système qui est moins précis que les plaques japonaises, donc on a une image d'un peu moins bonne qualité. L'avantage, c'est qu'on peut faire de l'imagerie en ligne, puisque les données arrivent, enfin on peut les traiter directement. Et donc la technologie qu'on a développée au CEA, en fait, est un petit peu intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire qu'on a une meilleure précision que le scintillateur du KEK, on est entre les deux avec les émulsions. Et par contre, on arrive aussi à faire de l'imagerie en ligne, donc c'est un système électronique, donc on n'a pas de temps de développement comme les émulsions. Et pour qu'on comprenne bien, ces détecteurs, ils vous permettent, vous avez besoin de cibler des zones, quelle est l'importance des zones que vous pouvez cibler, ou est-ce que vous avez une vision globale qu'il faut ensuite étudier effectivement dans l'analyse des résultats? En fait, un télescope à muons, c'est comme un télescope optique, c'est-à-dire c'est relativement directionnel. Donc quand on pointe dans une direction, certes, on a un certain angle de vue, mais qui est pas très... Enfin, typiquement, on a un cône de 40-50 degrés à peu près, hein, donc on voit pas au-delà. Ça veut dire que si on veut scanner différentes portions de la pyramide, comme des différentes arêtes, on est obligé de les déplacer d'une arête à l'autre, typiquement. Mais quand on fait une mesure, on a pratiquement toute une arête dans le champ de visée du télescope. Est-ce que il y a eu à un moment justement précisément des discussions, soit avec les équipes de scan pyramide, avec des équipes égyptiennes, avec des égyptologues ou avec des historiens pour savoir où pointer ce détecteur ou quels sont les endroits, les premiers endroits que vous vouliez scanner, Medita Yubi? Alors, au même titre qu'on a demandé aux équipes japonaises de l'Université de Nagoya, qui étaient les seules à pouvoir s'installer dans la pyramide rhomboïdale, de d'abord démontrer que la technique marchait. Donc, le principe a été d'installer dans la chambre basse de la pyramide rhomboïdale les plaques à émulsion et de voir si de la chambre basse, on était déjà capable de détecter une chambre connue qui était la chambre haute. Une fois que ce test a été fait et qu'on a démontré que ça marchait, on a eu l'autorisation ensuite d'aller travailler dans Khéops. Concernant les télescopes du CEA, quand il a été décidé de les mettre à l'extérieur, on savait en fait que sur l'arête nord-est, il existait une cavité qui est connue à 83 mètres, derrière une encoche en fait qui est visible depuis l'extérieur du bas de la pyramide. Et derrière cette encoche, il y a une sorte de petite grotte qui existe. Et donc on a demandé au CEA de montrer déjà que les instruments étaient capables de détecter le long de cette arête, cette cavité. Donc ça a été le test de calibration des télescopes pour démontrer ensuite qu'on pouvait les déplacer à d'autres endroits. Voilà. Et sur le choix du coup des endroits et des premiers endroits que vous aviez eu envie ou le désir de scanner grâce à ces outillages et ces pareillages? Alors ensuite, concernant tout ce qu'on a pu mettre à l'intérieur de la pyramide, on s'est dit, en fait, comme on ne dispose que d'un scintillateur et on n'a pas un nombre infini de plaques à émulsion de l'Université de Nagoya, on s'est demandé quels étaient les endroits optimums pour pouvoir voir le maximum de choses en un temps limité. Et donc, la chambre souterraine, c'est vrai qu'on peut penser a priori qu'on est en contrebas de l'ensemble de la pyramide et que l'on peut observer toutes les structures connues et voir peut-être des structures inconnues. Malheureusement, quand on est dans la chambre souterraine, il y a très très peu de muons qui y arrivent. Donc la chambre souterraine a été éliminée, et donc le choix s'est fait assez rapidement sur la chambre de la reine, en disant que de la chambre de la reine, on devrait pouvoir observer la chambre du roi et la grande galerie. Et concernant les plaques à muons qui ont été déposées dans le couloir descendant de Khéops, en fait on l'a fait à l'issue d'une campagne en fait de thermographie infrarouge, qui nous ont permis de détecter en fait des anomalies thermiques près de la zone des chevrons. On a détecté un certain nombre d'anomalies thermiques sur la pyramide de Khéops et la mise en place en fait des campagnes de mesures thermiques nous permettait en fait de déceler des points d'intérêt. Donc on a décelé un point d'intérêt au niveau des chevrons. on ne pouvait pas conclure à partir de la thermographie infrarouge s'il s'agissait d'un vide ou pas. En revanche, on savait qu'avec la myographie, ça nous permettait de prouver l'existence d'un vide s'il existait. Et on savait qu'il y avait ce couloir descendant. Et donc, c'est là qu'on a décidé de positionner aussi des plaques dans ce couloir descendant. Donc, en fait, c'est aussi le dialogue entre les différentes techniques qui nous permet d'ajuster notre stratégie. Pas seulement entre les différentes équipes, mais entre les différentes techniques. Et on va parler un peu de ces différentes techniques. Et puis surtout, on va parler en quelques minutes de ces points d'intérêt et des premières découvertes que Scan Pyramids a réussi à faire. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Sky is a sea of darkness when there is no sun. Sky is a sea of darkness when there is no sun to light the way. When there is no sun to light the way, there is no day. There is no day. There's only darkness, eternal sea of darkness. The sky is a sea of darkness. When there is no sun, the sky is a sea of darkness. When there is no sun to light the way, when there is no sun to light the way, there is no day. There is no day. Where there is no sun, là où il n'y a pas de soleil, forcément c'est obscur l'intérieur d'une pyramide. C'était Sunra dans la méthode scientifique à 16h36, puisque nous parlons des pyramides égyptiennes, mais peut-être qu'on va étendre un peu tout à l'heure, on va voir. Nous en parlons et nous parlons surtout pour voir ce que la science et ce que les nouvelles technologies nous permettent de comprendre et de scanner de l'intérieur de ces pyramides, de leur méthode de construction. Nous en parlons avec Sébastien Procœur, qui est physicien responsable scientifique à l'IRFU, l'Institut de recherche sur les lois fondamentales du CEA, avec Mehdi Tayoubi, qui est co-directeur de la mission Scan Pyramids et vice-président stratégie et innovation chez Dassault Systèmes, et avec Simon Thuo, qui est doctorant en égyptologie à l'université de Montpellier 3. Les premiers résultats, on a entendu que le temps était un peu long, mais les premiers résultats sont tombés. Premiers résultats, on commençait à faire parler pas mal la communauté scientifique et égyptologique. Vous pouvez nous en dire un mot, Mehdi Tayoubi, peut-être d'abord les résultats de thermographie, quelques anomalies qui ont beaucoup fait parler. Hein. Simon Thuo nous dira, il nous disait à l'instant pendant la musique qu'effectivement ça avait suscité un nombre incalculable de papiers. Et puis ensuite on parlera de la myographie. Alors concernant les anomalies thermiques, effectivement on a démarré en mesurant les écarts de température à différents moments de la journée sur ce qu'on a appelé la mission infrarouge courte, et on a décelé beaucoup d'anomalies thermiques sur l'ensemble des quatre pyramides qui ont été couvertes. Alors il y en a une qui a beaucoup fait parler d'elle, je crois que c'était en novembre 2015, qui est une anomalie thermique qui à ce jour est inexpliquée, qui se trouve sur la face est de la pyramide. De Khéops. Nous, notre rôle, c'était simplement de dire à cet endroit-là, il y a des écarts de température. Est-ce que les gens peuvent nous aider à interpréter cette anomalie? Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs hypothèses. Est-ce que c'est dû, et c'est celle qu'avance, par exemple, le docteur Zayawas, à des travaux de restauration avec des matériaux différents, type ciment, qui ont été mis à cet endroit-là? Sachant qu'il y a d'autres endroits où on a aussi de la restauration, mais on n'observe pas le même type d'anomalie thermique. L'anomalie thermique, peut-être préciser que c'est une anomalie thermique très très loin de l'écart type. C'est-à-dire qu'on est à 6 degrés de différence. C'est 5-6 degrés de différence avec un écart assez permanent. Donc on a simulé plusieurs types d'hypothèses. Est-ce que c'était un effet de niche? Et en fait, à un moment donné, on ne savait pas comment aller plus loin sur cette anomalie, sachant que l'idéal, en fait, dans notre stratégie, c'était on détecte des anomalies thermiques, on voit si ces anomalies thermiques peuvent être dues ou pas, en termes d'hypothèse, à un vide, et on voit comment on investigue ensuite avec la myographie, qui est une technique qui nous permet de prouver la présence de ce vide. Malheureusement, là, on est au niveau du sol, on ne peut pas se mettre en contrebas de cette anomalie, donc on peut mettre aucun dispositif de myographie en dessous, donc on a laissé tomber cette anomalie thermique qui avait été, dont on avait parlé il y a à peu près 2 ans. Mmh. En revanche, on en avait décelé une qui était extrêmement importante au niveau des chevrons sur la face nord de Khéops, donc que les gens considèrent comme cette entrée monumentale. Mmh. Mais qu'il faut savoir que c'était quelque chose qui était caché à la fin de la construction des pyramides, c'était recouvert par les pierres, donc ça a priori pas de rôle décoratif, c'est un rôle sans doute structurel. Enfin, là aussi, il y a débat. En tout cas, on a trouvé des écarts de température à cet endroit lors de la mission infrarouge courte. Et on a complété cette mission infrarouge courte par une mission plus longue, où on a mesuré les écarts sur plusieurs journées pour éviter, en fait, des effets ponctuels type vent ou d'autres effets ponctuels du même genre. La mission plus longue de thermographie a confirmé que l'anomalie thermique était toujours là. Et en dessous, en fait, de ces chevrons, on a le couloir descendant, et donc on savait qu'on pouvait à ce moment-là déployer nos dispositifs myographiques dans ce couloir et voir si au-dessus, derrière les chevrons, il y avait ou non un vide. Et donc on a prouver la présence d'un vide à cet endroit-là. Mmh. Sébastien Thieu, vous nous disiez que il y a beaucoup de littérature qui a été écrite tant sur cette première anomalie thermique que sur ce vide qui a été démontré justement grâce à la myographie derrière les chevrons. Vous parlez même de chevronologie qui serait une sous-catégorie de l'égyptologie. Quelles sont les hypothèses? Pourquoi est-ce que ça, à ce point-là, excité toute la communauté d'égyptologie? Oui, en dehors de la boutade sur la chevronologie, effectivement, il y a beaucoup d'égyptologues et d'amateurs passionnés par la question qui ont proposé des hypothèses suite à cette anomalie. Donc évidemment la présence de vides qui pourrait être parfois, même il y en a qui sont allés jusqu'à envisager des chambres secrètes, des cavités creusées, voilà, par d'éventuels pierres, enfin beaucoup de choses différentes. En l'état actuel des choses, c'est très difficile de valider quoi que ce soit, hein, malheureusement, on revient toujours un peu au même point. Mmh. Mais en tout cas, c'est clairement quelque chose qui passionne ceux qui s'intéressent à la question, et on espère aboutir rapidement à des conclusions, en tout cas à des pistes de réflexion vraiment de grand intérêt pour pourquoi pas avoir un nouvel indice dans cette enquête de la construction et de la formation de la Grande Pyramide. Mmh. Est-ce que ça signifie que maintenant que vous aviez pu identifier cette cavité grâce à la myographie, il faut revenir à des techniques destructives ou invasives pour aller voir ce qu'il y a derrière ? La myographie a encore des choses à dire, en l'occurrence concernant cette cavité. À l'origine, cette cavité a été détectée avec 3 plaques à muons qui avaient été positionnées dans le couloir descendant pendant 67 jours. On a démontré, alors c'est taux de certitude de physique des particules en termes de statistiques, à plus de 5 sigma, que c'était réellement un vide. En revanche, il faut imaginer que c'est comme si on avait pris une photo en contrebas, donc on n'a pas d'informations tridimensionnelles. Donc on voit qu'il y a une cavité dans la zone des chevrons, on ne connaît pas la hauteur exacte, puisqu'elle est variable, puisqu'on ne la prend que d'un seul point. Donc le débat n'est pas de savoir si la cavité est là ou pas, la cavité est là. La question est de savoir maintenant quelle forme exacte elle peut avoir, de combien de mètres elle s'enfonce, en tout cas de combien de mètres on peut la voir s'enfoncer, puisqu'il faut imaginer que plus on s'enfonce dans la pyramide, plus on a de matière, donc au moins on a de muons. Donc on la voit s'enfoncer, mais on ne sait pas jusqu'où. Et donc a été décidé ensuite donc d'essayer d'apporter plus d'informations sur cette cavité en couvrant l'ensemble du couloir descendant de plusieurs plaques à muons pour pouvoir faire de la triangulation, c'est-à-dire de la positionner dans l'espace cette cavité à partir en servant de la pente du couloir descendant. Et on a eu aussi les autorisations de se positionner dans le couloir d'Al-Mamoun, dans les niches aujourd'hui dans lesquelles on a de l'éclairage, et en orientant aussi des plaques à muons vers la zone de cette cavité. Et donc l'objectif aujourd'hui est donc de donner une forme exacte, un positionnement exact à cette cavité, et puis ensuite de laisser les égyptologues interpréter. Si on leur annonce que c'est un couloir, alors à quoi peut servir un couloir? À quoi peut servir? Parce que le volume de vide X se trouvait à tel endroit. Voilà, c'est l'hypothèse vraisemblable, mais encore une fois, c'est une hypothèse. Il faut mettre beaucoup de précautions là-dessus. Simon Thieu. Oui, et puis pour revenir sur l'éventuelle utilisation de techniques invasives, c'est toujours délicat sur ce genre de monuments d'envisager ce genre de pratique, parce que c'est des monuments qui restent quand même très fragile malgré le gigantisme de l'objet lui-même. Donc pour l'instant, voilà, laissons faire les techniques qui permettent de conserver tout l'ensemble intègre et envisager de telles technique plus tard, ça reste quand même très, très délicat. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, l'hypothèse privilégiée, je mets toutes les précautions d'usage autour de, cette terminologie-là, serait effectivement plutôt un couloir qu'une chambre funéraire cachée. Oui, bien sûr, et comme le disait Mehdi Taïoubi, maintenant reste à savoir pourquoi ce couloir, comment ce couloir, et encore beaucoup de questions auxquelles il va falloir répondre, mais voilà, c'est maintenant aussi... Comme on le disait, aux égyptologues de prendre leurs responsabilités et avec les connaissances qui sont les nôtres, d'envisager à quoi pouvait servir ce couloir. Si l'on validait que c'était un couloir. On présente l'idée que c'est une hypothèse. Pour l'instant, on parle de cavité. On parle de cavité et ensuite, voilà. J'ai lu, Mehdi Taïoubi, que il y a d'autres résultats qui sont en cours de confirmation, d'analyse, de recoupement. Est-ce que ça veut dire que vous avez d'autres cavités que vous avez que les techniques récentes et que les dernières études, puisque là on parle de résultats qui datent d'il y a un an quasiment, hein, c'était au mois d'octobre 2016. Est-ce qu'il y a d'autres cavités qui vont donner lieu à des publications bientôt, peut-être sans nous dévoiler tout, au moins nous dire si vous avez trouvé d'autres choses? Alors, il y a cette cavité en fait qui a été détectée par les trois plaques d'université de Nagoya. Aujourd'hui, on est en train de reconfirmer la présence de cette cavité avec en l'observant à différents endroits. Il y a aussi cette cavité qu'a découvert le CEA sur l'arête nord-est, puisqu'en fait les instruments ont bien fonctionné, on a bien détecté la cavité qui se trouve à 83 mètres sur l'arête, mais les instruments de Sébastien, on a eu la surprise aussi de détecter une autre cavité qui se trouve à 110 mètres, plus ou moins 2 mètres à peu près. Et quand on a escaladé la pyramide pour aller faire la photogrammétrie en fait de la cavité connue dans laquelle on a pu pénétrer, on est allé aussi observer la zone de la cavité découverte par le CEA. Elle est inaccessible, ce qui veut dire que c'est une cavité aujourd'hui qui se trouve derrière un ou plusieurs rangs de pierres. Donc quel est le rôle de cette cavité? Aujourd'hui, on aimerait bien avoir des avis et des hypothèses sur cette cavité, sachant que une des hypothèses sur la première cavité était que les gens qui ont pillé en fait la pyramide l'ont déshabillé de son premier rang de pierre de Toura, qui était de la belle pierre lisse, ensuite ont enlevé d'autres rangs et sont servis de la pyramide finalement comme une sorte de carrière à ciel ouvert, auraient trouvé dans cette zone à 83 mètres de la pierre plus petite et l'auraient enlevée et du coup auraient créé cette grotte. En revanche, au-dessus, on n'a pas de trace en fait d'accès vers cette cavité qui existe. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière cette pierre, on a un volume de vide a priori égal à celui que l'on a en dessous. Donc la question que l'on s'est posée avec Sébastien et l'ensemble de l'équipe, c'était: existe-t-il des cavités du même type sur les autres arêtes de la pyramide? Et si elles existent, à quoi peuvent-elles servir? Donc Sébastien a réorienté ses télescopes sur les différentes arêtes des pyramides. Donc ce sont des données qui sont toujours aujourd'hui en cours d'analyse, sachant que on peut observer avec la myographie énormément d'anomalies. Ce qui compte pour nous, avant tout, c'est d'atteindre un niveau de statistique irréfutable. Mmh. Alors c'est vrai que les gens ont tendance à beaucoup utiliser le 90-99% sans réellement de données de sens scientifiques. Mais là, on s'est mis dans les mêmes contraintes que s'imposent les physiciens des particules. C'est-à-dire que d'annoncer des choses à partir du moment où on atteint ce taux de certitude de 5 sigma. Et donc qui est de 99 avec 4,9%. 4,9 derrière la virgule. Donc d'une part, et puis d'autre part, donc on a toujours ces instruments dans la chambre de la reine, les instruments qui se trouvent dans le couloir d'Al-Mamoun, et ce sont, comme on vous l'a dit tout à l'heure, des données qui prennent énormément de temps à analyser. Ça, c'était pour Khéops, et évidemment Khéops, on l'a dit tout à l'heure, suscite beaucoup de fantasmes et beaucoup d'intérêt, mais vous avez aussi réussi à obtenir un certain nombre de résultats sur l'autre pyramide sur laquelle vous avez travaillé, la pyramide rhomboïdale. Vous pouvez nous en dire un mot, parce que là, ces résultats sont tout aussi intéressants. Dans la pyramide rhomboïdale, on a effectivement bien détecté, en se positionnant dans la chambre basse, la chambre qui se trouve au-dessus. En revanche, ce que l'on sait, c'est que les limites de la technique ne permettent pas de voir des tout petits couloirs, puisque même les couloirs existants, on les voit légèrement apparaître sur les myographies. Dans les statistiques, on voit bien où se trouvent ces couloirs. Donc aujourd'hui, on ne sait pas s'il y a des petites structures. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que grâce à la myographie, c'est qu'il n'existe pas au-dessus de la chambre basse, au niveau de la chambre haute, de chambre de taille équivalente à la chambre haute qui serait vide. Peut-être y avoir une chambre pleine, et à ce moment-là, on ne peut pas la détecter. Mais donc, on n'a rien trouvé dans la pyramide rhomboïdale. C'est un résultat scientifique. Ce que vous dites, et je parle sous le contrôle de Simon Thuot, c'est que les égyptologues et beaucoup de monde vivent avec le fantasme qu'on n'a pas trouvé la chambre mortuaire principale de la pyramide de Khéops. C'est que donc, si on arrivait à trouver dans d'autres plus petites pyramides une chambre mortuaire principale qui ne serait pas une chambre leurre, entre guillemets, je dis ça vraiment à grands traits, et vous allez préciser mes propos, Simon Thuot, ça voudrait dire qu'on pourrait du coup décalquer en fait ce schéma sur d'autres types de pyramides. Vous pouvez préciser mes propos. On peut envisager effectivement, comme vous le dites, une sorte de décalque. Après, c'est toujours délicat d'imaginer que les pyramides sont à l'intérieur bâties sur exactement le même plan, d'autant plus que les dimensions ne sont pas les mêmes et la pyramide rhomboïdale est donc, comme son nom l'indique plus ou moins, une pyramide à double pente. Donc en plus de ça, on peut envisager une structure interne légèrement différente, parce qu'en plus on est à une époque où les pyramides, on est parmi les premières pyramides construites, donc on peut aussi envisager que les architectes tâtonnaient aussi dans la réalisation définitive de la structure. Donc évidemment, tout ce qu'on découvrira dans la pyramide rhomboïdale sera passionnant à interpréter et à analyser. Après, effectivement, gare aux sirènes du mimétisme entre les différentes pyramides. Dans les quelques minutes qui nous restent, et avant de vous entendre nous exposer vos travaux de recherche, Simon Thuot, peut-être un mot, parce qu'il y a une autre découverte. Alors, c'est pas sur le même continent, c'est pas les mêmes méthodes d'investigation, mais c'est tout aussi intéressant. C'est grâce à un système de tomographie à résistivité électrique, au mois de juillet, des chercheurs ont découvert un tunnel souterrain environ une dizaine de mètres sous la surface, dans la pyramide de la Lune au Mexique à Teotihuacan. Est-ce que c'est intéressant pour vous? Est-ce que vous avez suivi cette actualité, Mehdi Taïoubi? Est-ce que ça veut dire qu'on peut amener également à Khéops, en Égypte, d'autres techniques d'investigation pour peut-être venir compléter encore, apporter de nouvelles informations à celles que vous avez déjà réussi à extraire? Clairement, aujourd'hui, on n'a pas fait le tour de toutes les techniques non destructives, non invasives que l'on pourrait utiliser en termes d'acoustique, des techniques... Pour l'instant, on est concentré en fonction par rapport aux moyens et aux équipes dont on dispose et qui se sont engagées avec nous. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr et certain, c'est que je ne pense pas que la mission Scan Pyramids finira par lever le mystère des pyramides. En revanche, on veut simplement apporter de nouvelles données et qu'elles soient étudiées ensuite par d'autres disciplines. Vous avez cette mission aujourd'hui, elle est limitée dans le temps, elle a un terme. Est-ce que elle peut être prolongée? Est-ce que vous pensez justement pouvoir amener d'autres méthodes d'imagerie qui permettraient une fois de plus de corroborer ou de compléter les études que vous êtes en train de faire? Quand on a annoncé il y a un an la découverte de la cavité de la face nord et la cavité sur l'arête nord-est, la mission a été prolongée d'une année. Il va falloir qu'on fasse le bilan d'ici la fin de l'année et voir ensuite aussi en fonction de nos mécènes ce que l'on va pouvoir faire et comment on pourra continuer en fait cette mission. J'aimerais juste un mot tout de même sur ces différents types d'imagerie, peut-être Sébastien Procureur ou Mehdi Taïoubi. Cette tomographie à résistivité électrique, c'est une méthode d'imagerie qu'on pourrait utiliser de façon simple sur les pyramides égyptiennes? Est-ce que c'est une méthode qui demanderait à être adaptée? Ce n'est pas le même sol, ce n'est pas la même époque? Non, c'est pas exactement le même sol, effectivement. Pour autant que je sache, il faut quand même planter un certain nombre de choses dans le sol pour faire les mesures. Donc il faut avoir les autorisations sur Khéops. On plante pas des piquets comme ça. Mais oui, c'est une technologie qui peut aussi être complémentaire. D'ailleurs, en volcanologie, les gens utilisent plusieurs types de mesures de ce type-là. Par exemple, ils combinent aujourd'hui la myographie avec la microgravimétrie parce que chaque méthode est complémentaire. La microgravimétrie Mehdi Taïoubi... Oui, ça vaudrait le coup de refaire une campagne microgravimétrique aujourd'hui de la pyramide en complément justement de la myographie. Oui. Ça serait une technique intéressante à réutiliser, sachant qu'elle elle fait énormément de progrès en 30 ans aussi. Eh bien, nous verrons si on peut, si vous êtes entendu et si, sait-on jamais, d'autres équipes scientifiques veulent se joindre et venir compléter vos projets. Pour l'heure, on va écouter Simon Thuot, puisque comme chaque mercredi, nous recevons un jeune scientifique qui travaille sur sa thèse. Vous êtes en troisième année de thèse à l'université Paul-Valéry Montpellier 3, sous la direction de Bernard Mathieu. Bienvenue à la recherche Montre en main, Simon, c'est à vous. Merci. Mes recherches se concentrent sur les textes égyptiens du 3e millénaire avant Jésus-Christ, période traditionnellement appelée Ancien Empire, c'est-à-dire celle des principaux bâtisseurs de pyramides, comme Djoser, Khéops, Khéphren, etc., on vient d'en parler. À cette époque, la plupart des documents sont rédigés en écriture hiéroglyphique sur les parois des tombes et des temples, ainsi que sur celles des pyramides, à partir de la fin de la 5e dynastie vers 2350. On trouve également quelques inscriptions en hiéroglyphes sur des objets de mobilier, comme des sarcophages, ainsi que certains textes sur papyrus en écriture dite hiératique, version cursive employée entre autres pour les documents administratifs et les œuvres littéraires. Cette thèse a pour objectif principal de traiter de façon systématique une particularité de l'écriture hiéroglyphique appelée dissimulation graphique. Malgré ce nom quelque peu barbare, il s'agit d'un processus graphique assez simple à appréhender. Les écritures égyptiennes employaient des signes appelés classificateurs, ajoutés à la fin des mots et censés indiquer la catégorie sémantique à laquelle appartiennent ces derniers. Par exemple, Bac, qui signifie serviteur, sera associé à un homme assis, pour la catégorie des êtres humains, et Aped, la volaille, sera accompagné d'une oie ou d'un canard, pour la catégorie des volailles. Au pluriel, le classificateur est alors triplé. Ainsi, Bakou, les serviteurs, prendra trois hommes assis identiques, et Apedou, les volailles, prendra trois oiseaux semblables. La dissimilation graphique, l'inverse de l'assimilation, concerne les cas où les trois classificateurs sont différents. Pour reprendre les exemples précédents, Bakou, les serviteurs, pourra être accompagné de deux hommes et d'une femme, au lieu de trois hommes, et Apedou, les volailles, sera suivi de trois volatiles distincts, par exemple un canard, une oie et une sarcelle. Je pourrais multiplier les exemples. Le mot mehit, les poissons, est souvent suivi de trois poissons d'espèces différentes, et tepet, offrande, est presque toujours accompagné de diverses sortes de pains et de boissons. Aout, petit bétail, peut être associé à plusieurs quadrupèdes comme le bélier et l'âne, etc., etc. Ces cas de dissimilation sont assez fréquents et leur examen s'avère riche d'enseignements. D'une part, en dressant la liste des éléments utilisés comme classificateurs et en observant les mots auxquels ils sont associés, il est possible d'obtenir une intéressante image de la classification égyptienne au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Nous apprenons en effet quelle était la perception des anciens Égyptiens vis-à-vis des catégories animales, de certains groupes d'objets, des êtres humains eux-mêmes, etc. En y associant certaines théories de psychologie cognitive, nous pouvons alors mieux comprendre le processus classificateur de cette civilisation disparue, ainsi que la façon dont les Égyptiens envisageaient leur environnement et interagissaient avec lui. D'autre part, l'examen paléographique des hiéroglyphes, c'est-à-dire la façon dont sont tracés et gravés les signes, permet de mieux rendre compte de certaines habitudes graphiques selon l'époque, le lieu ou encore les techniques utilisées pour la gravure des textes. Enfin, l'analyse de la dissimilation graphique offre de nombreux éclairages sur l'écriture hiéroglyphique elle-même, et notamment les fonctions des signes qui la composent. Ainsi, à l'aide de travaux linguistiques comme ceux de Charles Peirce du groupe MU ou encore de Robert Laffont, les caractéristiques des hiéroglyphes au sein d'un texte peuvent être précisées et leurs fonctions mieux appréhendées. Cette analyse philologique participe de la grammatologie, discipline consacrée à l'étude de l'écriture en général et de son implication dans la vie des peuples qui en ont l'usage. En résumé, cette thèse devrait permettre, à travers une particularité de l'écriture hiéroglyphique souvent sous-estimée, de mieux comprendre la catégorisation des anciens Égyptiens et, in fine, leur pensée en général. Car comme disait Chateaubriand il y a presque deux siècles, Champollion a déchiffré ces hiéroglyphes qui semblaient être un sceau mis sur les lèvres du désert. C'est désormais à nous, égyptologues, de comprendre le message délivré par ce désert bavard et d'en saisir les subtilités que les scribes ont tenté de transmettre avec une remarquable virtuosité. Avec la même virtuosité avec laquelle vous venez de nous présenter vos travaux, Simon Thuot. Un mot peut-être pour conclure sur l'apport possible, en tout cas des sciences justement, à votre domaine d'études, c'est-à-dire à une meilleure compréhension des hiéroglyphes, peut-être à la lecture de pierres qui étaient jusqu'à présent. Vous travaillez vous-même avec justement des apports scientifiques récents autour de vos travaux. Oui, alors évidemment, par exemple, dans le cas de l'étude des textes hiéroglyphiques, on peut utiliser des moyens technologiques qui permettent de mieux lire des pierres dont l'état de conservation est assez médiocre dû au temps et aux conditions de conservation. Donc voilà, des éléments de scan et de négativité, etc., qui nous permettent d'avoir une meilleure vue des signes qui y sont gravés. Et donc, in fine, pour la traduction, c'est un avantage considérable. Et j'imagine aussi de récupération des pigments parfois sur des pierres ou se rendre compte qu'elles aussi, avaient été peintes. Aussi, puisque là, beaucoup de couleurs ont disparu aujourd'hui, donc c'est un gros atout, effectivement. Merci infiniment, Simon Thuot, d'être venu à cette émission et d'être venu nous présenter vos travaux à la recherche Montre en main. On pourrait retrouver, réécouter votre présentation en podcast, sur le site de la méthode scientifique, sur franceculture.fr. Merci beaucoup, Sébastien Procureur. Merci, Mehdi Taïoubi, également d'être venu avec nous. On suivra évidemment avec attention la suite du programme Scan Pyramide en vous souhaitant qu'elle dure bien plus, qu'elle soit renouvelée bien plus qu'un an et qu'elle nous apporte beaucoup de résultats sur la compréhension de ces pyramides égyptiennes. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Céline Lausanne, Hugo Bartholomeï, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique, Jean-François Soulier au droit d'auteur. « La suite de vos aventures sur France Culture, tout à l'heure après le journal de 18h, dans le grain à moudre, Hervé Gardette se demandera jusqu'où privatiser la SNCF, un débat qui s'annonce agité. Dans quelques minutes après les titres du journal, troisième épisode de votre série documentaire sur un voyage transclasse, histoire de ceux qui ont quitté leur milieu d'origine, par Leïla Djitli et Vincent Deck. Pour ce qui nous concerne, demain nous parlerons d'un problème qui gangrène la recherche scientifique, tous secteurs confondus ou presque, celui de la reproductibilité des études. On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.